Et tout de suite, on a reçu une nouvelle chronique, une nouvelle personne qui participe à Radio Zine, qu'on est ravis d'accueillir, qui s'appelle Vania Raikin Miyazaki, et qui nous a envoyé une chronique dite du dernier souffle, mais je crois qu'elle a déjà prévu un jingle, donc je ne vais pas en dire plus. Pour cette chronique du dernier souffle, je récolte de belles histoires vécues ou entendues qui ont à voir avec notre finitude, avec ce passage de l'état animé à cet autre état dont on ne sait pas grand-chose. L'âme, qui s'apparenterait au souffle selon son étymologie, abandonnerait notre corps en s'élançant du bord de nos lèvres lors de notre dernière expiration. Mais d'ici là, tant que nous sommes vivants, nous sommes immortels. Alors profitons d'écouter des récits en respirant profondément. Dans la cour d'archipel, j'ai rencontré Joe, qui m'a raconté une histoire de fumée. Voilà. Enchantée, Joe. Enchantée. Alors, pour une histoire de dernier souffle, ce qui m'est venu tout de suite à l'esprit, c'est une bande dessinée de Marjane Satrapi, qui est une autrice que j'aime beaucoup, qui est franco-iranienne, et qui s'appelle Le poulet aux prunes. Et en fait, dans ce livre, c'est toute une histoire de mort. Toute la BD, c'est que des histoires sur un père qui s'est laissé mourir parce que son instrument de musique était cassé. Et il y a aussi, donc voilà, il y a toute cette histoire-là. Et dans ce livre, il y a une histoire de tabac et de grand-mère. Et moi, c'est une plante que j'apprécie beaucoup, le tabac. Et en fait, la grand-mère, elle se met à fumer le tabac. Et puis le petit garçon, il ne comprend pas pourquoi sa grand-mère, elle fume. Et donc il va la voir, il lui dit, mais grand-mère, mais pourquoi tu fumes le tabac? T'es âgé, c'est pas bon pour ta santé. Et puis la grand-mère, elle lui dit, non, mais en fait, le tabac, ça a le pouvoir de parler avec les esprits. Et ça nous permet de nous relier à l'au-delà. Alors je fume beaucoup parce que je vais bientôt mourir et qu'en fait, ben, la fumée du tabac va permettre de transporter mon âme jusqu'aux esprits et jusque l'au-delà. Merci beaucoup pour cette histoire, elle est trop jolie. Ouais, ben merci à toi. Et tu fais quoi dans le festival? Je suis venue voir des amis qui ont un stand de fanzine et j'ai envie d'en faire un avec eux. C'est Mara Krasina et Guillaume Fuchs. Puis aussi j'ai une copine, Alix, qui est en cuisine avec Margaret, alors du coup je suis venue la voir, les saluer. Merci. Et puis j'ai croisé Samia, qui m'a raconté une belle histoire de pardon. Quand je porte cette robe, j'ai l'impression d'être avec tout mon peuple. Donc aujourd'hui je porte une jolie robe jaune avec des fleurs rouges et puis vertes et bleues que ma mère m'a offerte et qui est une robe kabyle. Donc voilà, cette robe, elle est toujours associée en fait à des moments un peu forts qui peuvent être liés un peu à la notion de dernier souffle. Du coup, quand tu as parlé de ça tout à l'heure, j'ai pensé à ma grand-mère en fait. Et ma grand-mère est morte il y a longtemps maintenant. Ça devait être en 99, ou alors c'était mon grand... Ouais, c'était en 99. Et à ce moment-là, elle habitait... Donc nous, on a eu beaucoup nos grands-parents à la maison. Et à ce moment-là, elle habitait... Elle avait quitté la maison. On n'avait plus que mon grand-père qui était Alzheimer. Et donc, elle était partie s'installer chez ma tante, donc sa fille. Et puis, elle était... Je ne sais pas s'il faut le raconter, mais bref. Ça, je ne le raconte pas, parce que je crois que ma grand-mère, elle n'aime pas qu'on le raconte. Mais en tout cas, ma mère appelle, et puis elle ne répond pas. Et du coup, ma mère me dit, Samia, il se passe quelque chose, va voir. Puis voilà, c'était un âge où on a un peu la flemme, mais quand même, je m'inquiétais. Donc je vais chez ma tante, puisque finalement, on a les clés les unes des autres. Et là, je trouve ma grand-mère pliée en deux, coincée. Elle avait eu un malaise et elle était dans les toilettes, pliée en deux derrière la porte. Donc voilà, on a appelé les ambulances et puis là, il s'est passé 10 jours d'hôpital à essayer de la faire survivre. Et on a été 3 ou 4 à se relayer à son chevet. Littéralement, tu vois, à dormir. Donc il y avait on était deux petites filles et puis deux de ses fils. Et les tout derniers jours, ça a été hyper intense parce que, en fait, il y avait tout le village qui débarquait. Donc je l'ai dit, hein, je suis d'origine kabyle et puis là où on habite, il y a une grosse communauté. Et voilà, c'est très tribal, on a des traditions qui sont encore quand même assez fortes et ancrées. Et puis bah, ma grand-mère, à cette époque-là, elle était déjà âgée. Et du coup, on respecte les anciennes et les anciens. Il y a vraiment, mais il y a tout le village et les villages alentours qui ont débarqué pour venir faire ses adieux à la grand-mère. Et moi, j'étais hyper fâchée parce qu'en fait, j'étais dans ce cercle très proche de la grand-mère toute la vie et en particulier ces derniers jours. Et mon but, c'était vraiment de la faire survivre. Et du coup, je dis à ma mère, mais maman, c'est pas possible, faut dire à tous ces gens-là qu'ils s'en aillent. Puis moi, j'en connaissais pas la moitié, en fait. Faut leur dire qu'ils sont en train de fatiguer Géda. Alors Géda, ça veut dire grand-mère en kabylo. Ils sont en train de fatiguer Géda, il faut qu'ils partent. Et là, ma mère, qui est une mère poule avec ses enfants, m'engueule et me dit, mais pour qui tu te prends, toi? Ta grand-mère ne t'appartient pas. Déjà, ma mère m'engueulait, ce qui arrive quasi jamais, en fait. Et là, ça m'a vraiment fait un choc. À la fois, j'ai été vexée et à la fois, je me suis sentie tout d'un coup appartenir à un clan, en fait, à quelque chose qui était plus fort que moi. Et donc, en retournant dans la chambre de ma grand-mère, je me suis rendu compte que ce qui se faisait, ce qui se passait, mais c'était mais d'une beauté. Et voilà, et j'aimerais beaucoup le faire, moi, en tout cas. Quand ça m'arrivera, et je souhaiterais ça à tout le monde, c'est... En fait, tu demandes le pardon à la personne qui est en train de partir. Et la personne t'accorde son pardon. Et il s'est passé ça pendant plusieurs jours. Où tous les proches, en tout cas, ont demandé pardon à la grand-mère. Et voilà, et ses derniers sous, ça a été ça. Ça a été de recevoir ce pardon et l'accorder. Et je pense que c'est la plus belle mort... C'était beau, quoi. C'est la plus belle mort que j'ai eu à vivre, quoi. Le dernier souffle, c'était un pardon, quoi. Ouais, elle m'a fait un super cadeau, ma grand-mère. Non, mais c'est vraiment la sensation que j'avais, quoi. Elle me faisait un cadeau, mais énorme, tu vois. Leçon de vie, moment de sa mort, quoi. Sachant que ma grand-mère, c'était quelqu'un d'assez conflictuel. Ah ouais. Et là, pour elle, c'était pas compliqué de pardonner. Du tout. Non, mais elle était... Ça y est, elle était libérée, quoi. Elle était vraiment, mais libérée. Et puis j'ai croisé Thierry, qui m'a parlé d'un dernier appel avant de partir. Toutou ! Toutou ! Et nous voici. Quel super jingle ! La grosse intro ! Mon prénom c'est Thierry. Tu m'as dit que t'avais une belle histoire, intime. Oui. Que tu étais d'accord de partager. Oui. Et ben c'est l'histoire des tout derniers instants de vie de mon papa. Et je me souviens, c'était il y a à peu près une quinzaine d'années, je ne me souviens plus précisément maintenant, mais et j'étais en train de travailler avec des étudiants de la Haute École de Musique qui faisaient leur diplôme de concert. Et je sais que mon papa était vraiment, vraiment pas en forme. J'étais allé le voir dans les semaines précédentes, parce qu'il était en France, aux soins palliatifs, dans un hôpital. Puis je savais que ça allait pas durer très longtemps, mais bon, je suis en train de faire cette répétition, puis il y a mon téléphone qui sonne, et puis il y a l'infirmier qui me dit « Ah, il y a votre papa qui veut vous parler, ça va pas bien fort », et puis mon papa me parle, et puis il me dit « Ah, Thierry, là, je sens que je suis pas loin de la fin de l'histoire, enfin, je me rappelle plus les mots qu'il a employés, je me rappelle qu'il m'a dit qu'il m'aimait fort, Et puis, fois qu'il a 5 minutes après, enfin, la fin de ce coup de fil, l'infirmier m'appelle. Mon papa est mort, en fait. Donc, il a senti le truc venir, que c'était vraiment pour bientôt. Et puis, il a eu une pensée pour moi, et ça m'a beaucoup touché. Wow. Est-ce que tu arrives à imaginer qu'on sent la mort arriver ? Ben oui, en pensant à mon papa, je peux imaginer ça. Je ne sais pas ce que ça sera avec la mienne, si c'est une que je pourrais sentir arriver ou pas. En fait, je ne sais pas, je pense que ça dépend. Et il t'a appelé pour te dire qu'il t'aimait? Oui. C'est quand même vachement beau, ça. Oui. Merci beaucoup. Tu ne m'as pas dit, Archipel, je fais du son, je m'occupe du salon d'écoute avec mes comparses Olga et Antoine. Merci. Ouh. Ben, merci beaucoup Vania pour cette chronique, ça nous a bien ému. Voilà, ici à la radio. Tu veux dire quelque chose Antoine? Peut-être pas. Non, ouais. Non, oui, c'était vraiment très touchant d'entendre parler de souffle de cette manière. Et on va passer à l'horoscope. Attends. Ah. C'est à mon papa qui a du mal à respirer en ce moment. D'accord. Voilà. Ça me touche beaucoup. Très bien. Est-ce que tu veux quand même qu'on fasse, on lance la suite? Ouais, ouais. On se dit, ou on peut refaire trois respirations. Allez, on fait trois respirations. Trois respirations. Allez. Ça fait du bien. Ouais, quand même. Oui. Trop bien. Bon.